On l'appelait le syndrome Salvador Allende, au moins dans les milieux élyséens. La crainte que le président socialiste François Mitterrand, élu en 1981, ne soit un jour victime d'une opération semblable à celle qui avait précipité la fin du président chilien, c'est-à-dire un complot d'extrême droite. Dans le cas d'Allende, on le sait, c'est essentiellement la CIA qui a inspiré et coordonné le putsch qui a permis à Pinochet d'éliminer le président socialiste régulièrement élu. En France, malgré l'inquiétude suscitée à la Maison-Blanche par l'arrivée au gouvernement de ministres communistes, 4, il ne semble pas que la centrale états-unienne ait imaginé une telle opération. Il n'empêche que dans l'entourage du président français, au début du premier septennat, on a cultivé et nourri cette peur. La meilleure preuve en est fournie par une affaire extravagante, celle d'un ancien légionnaire, Dominique Hérulin, qui a été l'objet de toutes les attentions de certains services de police et en particulier de la fameuse cellule antiterroriste de l'Élysée. Si M. X a consacré à ma demande ce nouvel entretien à cette sombre histoire, c'est que le nom d'Hérulin est apparu la semaine passée lorsqu'il m'a parlé d'Ante Gotovina, général croate jugé aujourd'hui pour crime de guerre par le Tribunal pénal international pour la Yougoslavie. Ancien caporal-chef de la Légion étrangère, soupçonné dans plusieurs dossiers de gangstérisme et de trafic d'armes, Gotovina en effet était l'un des plus proches amis d'Hérulin et a partagé plusieurs de ses aventures. Au sein de la Légion étrangère que Dominique Hérulin a rencontré Ante Gotovina, au deuxième REP plus particulièrement, dont le chef était alors le colonel Philippe Hérulin, le frère de Dominique. Et c'est cette unité d'élite qui s'est illustrée à Colvézi en 1978. Ouais, une action très spectaculaire dont l'objectif était de délivrer des centaines d'Européens pris en otage par des insurgés katangais. Et qui a permis au passage à Valéry Giscard d'Estaing de donner un sérieux coup de main au président zaïrois Mobutu, dont le pouvoir chancelait un peu. C'est exact. Ouais. Hérulin et Gotovina sont devenus à cette occasion amis pour la vie. Une relation qui ne s'est jamais démentie et qui les a parfois conduits à emprunter des chemins hasardeux. Et même franchement louche. Alors, avant d'aller plus loin, un mot sur la Légion qui a été un foyer actif de recrutement pour l'extrême droite et toutes les activités qui gravitent autour. À commencer par le mercenariat, que ce soit pour les entreprises dites de sécurité. Les gros bras, oui, les gardes du corps, oui. Ou encore pour les officines qui envoient des soldats à l'étranger, des spécialistes de la guerre en somme. Et qui, à l'occasion, peuvent dispenser des enseignements en matière d'interrogatoire, par exemple. Vous avez parlé de la torture, là. Bien évidemment. J'ajoute, mais ça ne vous surprendra pas, que cette activité de mercenariat est aujourd'hui en pleine croissance. De plus en plus, on privatise la guerre. C'est particulièrement le cas en Irak, où l'armée états-unienne délègue des pans entiers de ses prérogatives à des entreprises privées. Avec tous les risques que cela comporte, bien sûr. D'allure, quoi. Mmh, naturellement. Bon, enfin, je m'éloigne, là. Alors, pour revenir à la Légion étrangère, il faut noter que cette unité d'élite a donné à l'armée croate un certain nombre de généraux. Bah, dont Ante Gotovina. Hein. Des militaires qui sont sortis de la Légion avec des grades modestes, mais qui ensuite ont connu des ascensions spectaculaires. Bah, sans doute parce que l'armée croate, à la suite de l'éclatement de la Fédération yougoslave, a dû être pratiquement créé de toutes pièces. Hein. En effet, jusqu'à la partition, il n'existait qu'une armée, l'armée fédérale, qui était alors surtout encadrée par des Serbes. Et c'est ainsi que le modeste caporal-chef Gotovina devient en peu de temps général et même inspecteur général de l'armée croate. Mais il y a bien d'autres exemples notables. Des gens qui, la plupart du temps, ont conservé leur nationalité française, acquise grâce à leur temps de service dans la Légion, et ont parfois été mêlés à d'importants trafics d'armes. Alors même qu'ils étaient officiers supérieurs dans l'armée croate. Non, ça c'est parfaitement exact. Mais peut-être reviendrons-nous sur ce dossier, où l'on retrouve le nom de certains grands intermédiaires du commerce des armes. J'ajoute, mais ça ne vous étonnera pas que ces milieux flirtent habituellement avec le milieu tout court. Ouais, les gangsters. Hein. Et l'un d'eux, le plus entreprenant peut-être, est tombé à Zagreb, en 2001, sous les balles du garde du corps d'un parrain croate. Une vraie fusillade de western, puisqu'avant de s'écrouler, il a réussi à toucher à mort son meurtrier. D'accord. Mais nous sommes ensemble pour parler de Dominique Hérulin. Alors, est-ce que ce personnage a été impliqué dans ces affaires ? Je ne pense pas. Certes, il a connu tous ces gens dans la Légion, et je vous l'ai dit, son amitié avec Gotovina s'est poursuivie malgré toutes leurs pérégrinations. Donc Erulin n'est jamais intervenu en Croatie. Non, non, et pourtant de nombreux types d'extrême droite ont rejoint l'armée croate. Mais vous le savez bien, puisque nous avons déjà évoqué ce sujet, qu'on en a retrouvé d'autres en Afrique et même chez les Karen de Birmanie, des types plus ou moins proches du service d'ordre du Front National. Alors vous avez raison, revenons à Erulin. Ce Vosgien est né avant la Seconde Guerre mondiale dans une famille où l'on est militaire de père en fils, et où, il faut le souligner, on a payé très cher cette vocation pour le métier des armes. Ainsi, le grand-père de Dominique Erulin est-il mort à Verdun, et son père en Indochine. Et lui, alors ? Comme ses frères aînés, Philippe le parachutiste et François l'aviateur, il n'hésite pas une seconde. Il sera soldat et choisit de préparer Saint-Cyr. Ouais, alors, comme les autres hommes de la famille. Hein. Oui, mais la guerre d'Algérie a commencé et le jeune homme a des fourmis dans les jambes. L'appel de l'aventure ? Si vous voulez. Dominique abandonne donc les bancs du lycée et part de l'autre côté de la Méditerranée, où stagiaire étudiant, il rejoint une SAS commandée par un ami de son père. Les SAS, il faut le rappeler, c'était les sections d'administration spéciale. Hein. Des unités qui doivent accompagner les actions de pacification. Ouais, parce qu'on ne parle pas de guerre, mais d'opérations de pacification. Hein. Alors, les militaires qui composent ces SAS s'occupent autant d'actions sociales que des combats proprement dits. Certains font même la classe. Ils recrutent parmi ceux qu'on appelle encore les indigènes. Hein. Des mogasniers, oui, qui sont, pour simplifier, des sortes de harkis. Le jeune Erulin est enthousiasmé par son stage. Sa vocation militaire se confirme. Alors, sans aucun doute, d'autant qu'il peut approcher des officiers qu'il admire. Toute cette génération qui est revenue d'Indochine, meurtrie et revancharde. Et avec des idées nouvelles. Ouais, le fantasme de la guerre révolutionnaire. C'est-à-dire l'utilisation par l'armée des méthodes mises en place par les communistes vietnamiens. Et d'abord, l'action psychologique. Bien entendu, ces jeunes officiers ont lu Mao Tse-tung. Ouais. Peut-être un peu trop. Ou trop mal. Mais peu importe. Ce qui compte dans notre histoire, c'est que le jeune Erulin se sent de plein pied avec ces gens-là qui, pour la plupart, rêvent d'en découdre avec la République et de provoquer une révolution nationale. Et on retrouvera tous ces types chez les putschistes d'avril 1961. Ah, forcément. Et certains deviendront ensuite des soldats perdus, comme on les a appelés. Mais revenons à Erulin. Ce fanamili, pour reprendre une expression chère à Jacques Chirac, revient d'Algérie transformée. Il n'est plus question pour lui de reprendre ses études. Alors il renonce à Saint-Cyr ? Oui, mais pas à l'armée, vous allez voir. À son retour en métropole, fervent partisan de l'Algérie française, il lui arrive de faire le coup de poing au quartier latin contre les étudiants de gauche. Il est alors très proche d'un Jean-Marie Le Pen à qui, paraît-il, il voue une admiration quasi filiale. Le Pen qui lui aussi aime la bagarre. Hein. Exact, mais enfin inutile d'insister. À cette époque, Erulin mène une vie de patachon et boit pas mal, mais tout a une fin. Et la fin, pour le jeune homme, dont les deux frères sont promis à effectuer une belle carrière militaire, ça ne peut être que l'armée. Ah, il s'engage. Oui. Et bien entendu, il opte pour les parrains. Les bérets rouges. Ouais. Le premier RCP. Et assez vite, il est admis aux EOR. Oui, ça, c'est l'école des officiers de réserve. Hein. Effectivement. Et breveté parachutiste, il attend de rejoindre l'Algérie. Mais là, patatras, sa situation se complique sérieusement. Que se passe-t-il alors ? Il a été l'objet d'une enquête de la sécurité militaire, et il est considéré comme un dangereux activiste d'extrême droite. À cause de ses relations de parisiennes de ce côté. Hein. Oui, vraisemblablement. Pour lui, c'est une véritable catastrophe. Et la fin de sa brève carrière militaire. Action. Et devant cette obstination, l'autorité militaire a fini par composer. Le jeune homme a obtenu de pouvoir poursuivre sa carrière, mais comme instructeur. Ouais, un compromis, donc. Et tandis qu'il poursuit sa vie de bamboche à Bayonne, sa nouvelle affectation, il fait tout ce qu'il peut pour aller se battre en Algérie. Et il réussit en 1959. Erulin, 21 ans tout juste, va pouvoir enfin casser du fel, comme on dit dans les unités combattantes de l'armée. Sa nouvelle vie commence vraiment. Dans leur ouvrage « Les grandes oreilles du président », Yves Bonnet et Pascal Krop consacrent un chapitre à Dominique Erulin, j'en ai extrait ce passage. Depuis un peu plus d'un an, la Ve République a remplacé la Quatrième qui n'avait que le tort d'avoir commencé à solder la facture de la France coloniale. Crime impardonnable pour tous ceux qui, en à peine plus de temps qu'il n'en faut pour le dire, vont jeter à bas la communauté et donner l'indépendance à une bonne douzaine de possessions. Dominique Erulin a ferraillé contre les Européens, ces traîtres à la cause nationale, ces irresponsables qui veulent réarmer l'Allemagne. Sans bien s'en rendre compte, il se retrouve dans le camp de ces nationalistes collabos qui préférait le Troisième Reich d'Hitler à la Bundesrepublik du vieux Konrad Adenauer. Il a cru en mai 1958 à l'homme providentiel au point de rosser sur les Champs-Élysées des cocos, manifestant contre le coup d'État feutré dont l'homme de Colombey affectait de se désintéresser. 18 mois plus tard, 18 mois après le « Je vous ai compris » d'Alger et le « Vive l'Algérie française » de Mostaganem, voici Dominique Hérulin en permission à Paris au moment où éclate la semaine des barricades. Le ciel lui tombe à nouveau sur la tête. Ainsi, pendant que peut-être le sort de l'Algérie et de la France se joue dans l'infernal tohu-bohu de quelques pâtés de maison, entre la rue Michelet et le tunnel des facultés, il se retrouve, lui, le fanatique de l'Algérie française, à Paris, à 2000 kilomètres, désœuvré, inutile. Si Dominique Hérulin est si obsédé par la guerre d'Algérie, il le doit sans doute à son frère Philippe. Alors, si vous le voulez bien, un mot sur cet officier qui, malgré lui, a parfois défrayé la chronique, et pas toujours à son avantage. Il reste quand même l'homme de Colvézi. Hein. C'est juste. En 1978, oui. Une opération militaire bien menée qui a sans doute permis de sauver de très nombreux Européens pris au piège dans cette ville du Shabbat Zahirois envahie par des rebelles. Toutefois, auparavant, il y a eu justement l'Algérie, où Hérulin a fait ses classes et gagné ses premiers galons. Des galons mérités, je m'empresse de le dire. Dans des circonstances difficiles et à plusieurs reprises, le jeune lieutenant a fait preuve d'un grand courage et d'une audace certaine. Est-ce qu'il lui a valu l'admiration de son petit frère Dominique? Ça me semble évident. Mais Hérulin, sérieusement blessé par deux fois, était un officier para. Et vous n'ignorez pas qu'en Algérie, c'était au para que le pouvoir civil avait confié le sale boulot. Ouais, les interrogatoires. Soyons clairs, la torture. C'est ainsi que Philippe Hérulin a été publiquement accusé d'avoir été un tortionnaire. C'était vrai? Le lieutenant Hérulin a en effet été affecté à Alger, à la sinistre villa Sésigny, où l'on interrogeait à la chaîne, si j'ose dire, les rebelles ou les suspects algériens ou européens. Et un homme en particulier, Henri Alleg. Alleg, c'était un journaliste communiste qui a publié après, d'ailleurs, la question. Hein. C'est ça. Ouais. Donc Alleg l'a accusé d'avoir été son tortionnaire. Et il n'a jamais été démenti, j'ajoute que Philippe Hérulin, sur ordre de son ministre, n'a jamais eu la possibilité de se défendre. Et cette accusation, si je me souviens bien, a été rendue publique après l'affaire de Colvézi. Et alors qu'il venait d'accéder à la notoriété. Et ce n'est pas un hasard, bien sûr. C'est aussi Hérulin qui a arrêté le jeune mathématicien Maurice Audin, un homme qu'on n'a jamais revu ensuite. Alors, je vous l'ai dit, le lieutenant devenu colonel de la Légion n'a jamais pu répondre à ces accusations. D'abord parce que les plus hautes autorités, tant civiles que militaires, ne voulaient pas qu'on revienne sur ces histoires nauséabondes. Et ensuite parce qu'il est mort subitement en 1979. Il était jeune encore, là. Et comment alors? Au cours d'un entraînement sportif en forêt de Fontainebleau, rupture d'anévrisme. Une mort naturelle, donc. Ce qui n'a pas empêché certains affidés d'extrême droite de clamer que Philippe Hérulin avait été éliminé. Ce que vous ne croyez pas. Absolument. Alors, retrouvons le frère. Pour Dominique, Philippe était incontestablement un héros, un modèle, et incorporé en Algérie, il essaie de marcher sur ses traces. Comme son grand frère, il participe à plusieurs coups de main où il fait la preuve de sa témérité. Mais, contrairement à Philippe, Dominique n'hésite jamais à faire étalage de ses opinions. C'est un fervent partisan de l'Algérie française. Hein. Et comme d'autres paras, au fur et à mesure que le général de Gaulle avance vers ce qu'il appelle l'Algérie algérienne, Hérulin est partisan d'une prise du pouvoir par l'armée. Le putsch, quoi. Oui, malheureusement pour lui, lorsque Salan et les autres entrent en rébellion en avril 1961, il est empêché de participer à la révolte. Et pourquoi est-il empêché, là? Il se trouve alors aux arrêts pour mutinerie après une altercation avec un gradé. Ce qui montre, entre parenthèses, que le jeune para n'était pas un soldat très discipliné. Pour lui, c'est donc une occasion manquée, ce putsch. Il y en aura d'autres. Libéré par ses camarades, il arrive en tout cas trop tard pour jouer un rôle actif dans le putsch. Mais il est considéré comme déserteur et presque naturellement, il rejoint tous ces militaires en déshérence qui vont former le noyau dur de l'OAS et engage le combat contre les FLN, mais aussi les barbouzes envoyés par Paris pour juguler la rébellion des ultras de l'Algérie française. Cependant, son frère intervient à temps et le récupère. Comment, là? Mais il le fait bénéficier d'une affectation bidon. Dominique Hérulin part pour la métropole où il est démobilisé. Il a donc échappé au pire, l'aventure sanglante des tueurs de l'Ouest. Certes, mais l'ancien légionnaire n'est pas du genre à rester tranquille. Et à Paris, il reprend aussitôt contact avec tous ses amis conspirateurs qui refusent la politique d'abandon du général de Gaulle. C'est ainsi qu'au printemps 1962, il se retrouve membre d'un petit groupe rassemblé autour d'un polytechnicien nommé Bastien Thierry. Et cette fois, il s'agit d'éliminer physiquement de Gaulle. Et ce sera l'attentat manqué du petit Clamart en août 1962. Et Rulin, a-t-il fait partie du commando qui a manqué de très peu, très peu, le général? Il aurait dû en être et a participé à sa préparation. Il aurait même dû être en charge de l'un des fusils mitrailleurs qui a tiré sur la DS présidentielle. Mais lorsque le feu vert est donné, Hérulin se trouve en Bretagne. Impossible de le joindre à temps. Ah, c'est pourquoi vous avez parlé d'occasion manquée. Mais ce faisant, il a peut-être sauvé sa tête, car trois des conjurés rapidement arrêtés sont condamnés à mort et exécutés. Et Hérulin, lui? Son nom a été retrouvé sur une liste des membres du commando récupéré chez un comparse. Il est donc appréhendé, mais faute d'autres preuves tangibles, il sera finalement relâché. Est-ce que cette mésaventure l'a calmé? En tout cas, sans renoncer à ses idées, bien au contraire, il ne participera plus aux autres tentatives d'attentat contre le général. Alors, que devient-il? Assez raisonnablement sans espoir de poursuivre une carrière militaire, Hérulin met à profit tout ce qu'il a appris à l'armée. C'est-à-dire? L'esprit de compétition et le goût de la performance physique. C'est ainsi qu'il devient pilote de deltaplane, parachutiste sportif. Il sera même champion du monde. Et aussi cascadeur. Cascadeur, quoi, pour le cinéma? Oui, il servira de doublure à quelques grands acteurs, dont Ventura et Belmondo. Et fidèle à ses convictions politiques, il sera aussi garde du corps du candidat d'extrême droite, Tixier Vignancourt, lors de l'élection présidentielle de 1965. De la même façon, il fera plus tard partie des gros bras assurant le service d'ordre d'Alain Power en 1969, puis surtout de Giscard d'Estaing en 1974. À une époque où ce candidat fera largement appel aux sympathisants d'extrême droite pour organiser sa campagne. C'est exact. Mais en même temps, Hérulin est toujours prêt à se lancer dans toutes les aventures. Mercenaire, on le verra à plusieurs reprises en Afrique, en Angola et ou au Bénin. Et naturellement, il est alors toujours engagé dans des organisations paramilitaires anticommunistes. La fidélité, toujours. Ici, une question se pose. Le mercenaire a-t-il, oui ou non, travaillé pour les services spéciaux français? Votre avis, hein? Ça ne me surprendrait pas qu'Hérulin ait à l'occasion donné des coups de main à nos services. Un type tel que Bob Denard n'a pas agi autrement. Le corsaire de la République, comme il s'est appelé lui-même. Merci. Alors Hérulin, pourquoi pas? Les services spéciaux ont toujours eu besoin d'électrons libres qui pouvaient opérer des missions là où leurs agents ne pouvaient pas apparaître en tant que tels. Pour ne pas compromettre le pouvoir, l'État. Et puis c'était l'époque des réseaux focards où, pour perpétrer la France-Afrique, on ne s'embarrassait pas de scrupules excessifs quant au respect des droits de l'homme ou des législations en vigueur. Mais au fond, qu'il ait ou pas collaboré avec le SDEC n'a aucune importance, même si ce genre d'accointance laisse toujours des traces. Que voulez-vous dire là? Eh bien, les activités clandestines, ou simplement militantes, de Dominique Hérulin n'ont jamais échappé aux services de police, et particulièrement aux renseignements généraux. L'ancien légionnaire est donc fiché. Et depuis longtemps. Et quand viendra l'alternance socialiste en 1981, certains s'en souviendront opportunément. Le journaliste et écrivain Jean Montaldo n'a jamais caché la sympathie que lui inspiraient les baroudeurs tels que Dominique Hérulin. Dans son ouvrage « Les voyous de la République », il évoque longuement l'ancien légionnaire. En 1981, quand la gauche arrive au pouvoir, Dominique Hérulin est le prospère dirigeant d'une petite affaire de sécurité louant ses services ici et là, recevant en contrepartie d'importants émoluments. Il est dans son secteur l'un des seuls à pouvoir rassembler en quelques heures des centaines d'hommes. C'est l'époque des grands conflits sociaux, des campagnes électorales agitées, parfois violentes. Efficace et discret, Hérulin ne se fait jamais prier dans l'exécution des missions délicates. En dehors de ses activités officielles, il est aussi, mais qui le sait, un agent très spécial. Et Montaldo écrit par ailleurs, « À la différence de beaucoup, Dominique Hérulin ne vendait pas ses compétences reconnues aux professionnels des coups d'État qui couraient alors le monde. Athlétique et beau gosse, aussi gentil et calme que doué de surprenantes aptitudes physiques, On s'étonnait de le voir accepter de bonne grâce de périlleuses opérations pour des reportages télévisés pour le cinéma. Plongeur de combat et de grande profondeur, Dominique Hérulin était un caméraman de choc en chute libre et en deltaplane qui initiait journalistes, acteurs, policiers, super gendarmes à tous les sports où il était champion. De droite, par sa famille, sa culture, son passé et ses fréquentations, il n'était cependant pas un militant. Dominique Hérulin se signale dès le mois de mai 1981, en participant à une opération musclée visant à chasser des grévistes qui occupent une imprimerie. Il m'avait-vous dit la semaine passée. Il est alors accompagné par son ami Ante Gotovina, et l'imprimerie appartenait à un ami de Le Pen. En effet. Ouais. Mais peu après, toujours avec son ami croate, il est impliqué dans une affaire beaucoup plus scabreuse. Un vol de bijoux chez un marchand de coffre-fort. Les deux amis sont dénoncés par leurs complices supposés. Un légionnaire, déserteur et un mercenaire. Mais tant Hérulin que Gotovina nieront avoir participé à ce casse. Et d'ailleurs, leurs deux accusateurs finiront par se rétracter après avoir été condamnés. Mais ce qui fait mauvaise impression, c'est que Hérulin aurait fui à l'étranger. C'est vrai? Franchement, je n'en sais rien. Deux mois plus tard, Hérulin est à nouveau sur la sellette. On lui attribue le vol d'un stock d'armes dans une caserne de Foix. Ça pourrait à l'arrière lui ressembler un peu plus, là, les Peut-être, armes. Peut-être, hein. Oui. Enfin, Hérulin dispose d'un solide alibi. Cependant, alors que la police se présente à son domicile parisien, il préfère se dissimuler plusieurs heures dans la machinerie de l'ascenseur de son immeuble. Puis il disparaît, sans doute, en Afrique. Ah, une attitude qui permet de nourrir tous les soupçons. C'est certain. Hérulin est donc désormais un homme en fuite, activement recherché par la police. Et c'est alors qu'on déniche sans peine son dossier d'activiste. On est alors dans les premiers mois du septennat de François Mitterrand. Un sérieux coup de balai a déjà été donné à la tête des services de renseignement censés être acquis à la droite. Ce n'est pas tout à fait faux, hein. Mais ce que craint surtout le nouveau pouvoir, c'est un coup de force perpétré par la droite la plus dure qui n'a toujours pas digéré l'arrivée au gouvernement de ministres communistes. Ouais. Mais est-ce que des éléments concrets fondent cette crainte? C'est tout le problème. La police, c'est-à-dire essentiellement le service des RG, a-t-il eu connaissance d'informations précises? Ou bien, et c'est plutôt ce que je pense, certains proches du ministre de l'Intérieur ont-ils voulu précéder un éventuel coup de force de l'extrême droite ou un attentat contre Mitterrand? En tout cas, les noms d'un certain nombre de sympathisants extrémistes sont inscrits sur une sorte de liste noire. Et Dominique Hérulin en est? Presque forcément. Son passé et les deux braquages pour lesquels il est recherché ne plaident pas en sa faveur. Et l'ancien légionnaire est donc en cavale. Il ne restera pas loin de 14 ans, parce que pour lui, les choses vont encore se compliquer. Expliquez-la. C'est à la fin de l'été 1982 qu'est créée la fameuse cellule antiterroriste de l'Élysée. Oui, c'est à la suite de l'attentat meurtrier contre le restaurant de Joe Goldenberg, rue des Rosiers, à Paris. En fait, nous le savons maintenant, l'une des principales tâches de cette cellule, composée à la fois de gendarmes et de policiers, sera de protéger la vie privée de François Mitterrand. Sa deuxième famille. Oui, mais elle jouera aussi un rôle en matière d'antiterrorisme. Pas toujours heureux, d'ailleurs. Oui, d'accord. Vous pensez à cette lamentable affaire des Irlandais de Vincennes, où on verra un capitaine de la gendarmerie, Paul Baril, aller déposer lui-même des armes au domicile des suspects pour mieux les accabler. Enfin, si vous le voulez bien, passons et revenons à Hérulin. L'ancien légionnaire, en fuite, devient assez vite une cible prioritaire pour la cellule de l'Élysée et son chef, le colonel Proutot. Mais pourquoi prioritaire? Proutot, au fil du temps, se persuade que Dominique Hérulin, tôt ou tard, essaiera d'assassiner le président Mitterrand. Mais sur quoi se base-t-il? N'oubliez pas que le baroudeur a fait partie du commando Bastien-Thierry. Ouais, 20 ans plus tôt, quand même. Et puis, il y avait à l'époque la question algérienne. C'était quand même autre chose que la présence de 4 malheureux ministres communistes au gouvernement. Oui, je suis d'accord, mais il n'empêche que Proutot voyait en lui un homme dangereux, un tueur en puissance. Et bientôt, l'affaire a été retirée aux policiers ordinaires, et c'est la cellule de l'Élysée qui s'en occupe. Et qui va donc organiser la traque. Oui, et les gendarmes mettent le paquet, si j'ose dire. Ils disposent de gros moyens. À commencer par ces écoutes téléphoniques qu'on les autorise à utiliser autant qu'ils le veulent, oui. Alors, Hérulin va faire partie de tous ces personnages qui seront espionnés par la cellule de l'Élysée. Pas lui, puisqu'il est parti à l'étranger, mais tous ses proches, certainement. En outre, la cellule a obtenu qu'un mandat international soit délivré contre Erulin. Ça a permis aux gendarmes de poursuivre la traque à l'étranger. Mmh. D'abord aux Canaries, où, selon des informations très précises, il avait trouvé refuge. Et beaucoup plus tard, c'est aux Canaries aussi que son ami Gotovina sera finalement arrêté. Ce qui signifie qu'il devait exister là-bas une organisation susceptible de venir en aide à ces fuyards d'extrême droite. Mais quoi qu'il en soit, Erulin a donc été localisé, surveillé. Et une souricière a été mise en place avec l'aide de la police espagnole. Mais au dernier moment, l'oiseau s'est envolé. Ensuite, l'ancien légionnaire a été repéré au Paraguay, où il a intégré l'armée locale. Ah oui, il est même devenu colonel, c'est bien ça, hein ? Oui, colonel d'une armée d'un pays qui n'était pas particulièrement réputé pour respecter les droits de l'homme. Vous trouvez refuge de nombreux nazis. Hein. Ce qui permet de se poser pas mal de questions sur les activités là-bas de Dominique Erulin. Enfin, n'insistons pas. Donc, repéré au Paraguay, il est l'objet d'une demande d'extradition. Ça complique un petit peu sa situation. Il est même jeté momentanément en prison avant de refaire surface. L'extradition n'aboutira pas. Non. D'autant qu'en France, la droite revenue au pouvoir n'appuie pas très fermement cette demande d'extradition. En fait, quelqu'un veille sur le fuyard. On ne l'a découvert que bien plus tard, mais Erulin disposait d'un informateur très précieux à la DST. Le contre-espionnage. Oui, et cet homme s'est révélé être un véritable ange gardien pour Erulin, qui a pu ainsi échapper plusieurs fois au piège qui lui était tendu. Mais attendez, c'est pas la DST, c'est la cellule de l'Élysée qu'il pourchassait. Une cellule qui comptait en son sein des hommes de la DST. Alors, il y a peut-être eu des fuites. Enfin, désolé, je n'en sais pas plus. Vous ne voulez pas en dire plus. Libre à vous de croire ce que vous voulez. En tout cas, je retiens que Dominique Erulin est parfaitement au courant de la chasse qui est lancée contre lui. Hein. Tout à fait. Et c'est ce policier de la DST qui lui a conseillé de fuir après sa mise en cause dans l'affaire des bijoux, puis du vol d'armes dans la caserne de Foix. Mais si Erulin était réellement innocent, son conseil n'était pas judicieux, hein, d'autant que la cellule antiterroriste de l'Élysée n'existait pas encore. Mais on peut en effet s'interroger. Ça vaut d'ailleurs pour une partie de la défense d'Erulin qui a toujours affirmé que ces deux affaires de droit commun qu'on lui a attribuées faisaient partie d'une machination destinée à le perdre et construite de toutes pièces. Or, les artisans de cette machination, si machination il y a eu, n'étaient pas encore installés à l'Élysée. Et l'idée de faire de l'ancien légionnaire l'ennemi le plus dangereux du président Mitterrand n'était pas encore née. Dans la tête du colonel Proutot, en tout cas, mais d'autres peut-être. On a parlé d'un directeur des RG qui avait des sympathies socialistes et qui aurait pu avoir joué un rôle. Il faudrait alors admettre que c'est le président lui-même qui aurait été intoxiqué par ce policier au point de se persuader réellement qu'Erulin voulait attenter à sa vie. Mais ça me paraît peu probable. Cependant, ce n'est pas le seul mystère de cette histoire. Quoi encore ? Dominique Erulin a fini par croire que les gendarmes de l'Élysée voulaient l'éliminer physiquement. Et ça justifierait mieux sa fuite, hein ? En effet. Mais là encore, j'ai des doutes. Car sa dangerosité n'a jamais été réellement mise en évidence. Et puis, au fond, pour supprimer tout risque, il suffisait de le tenir à distance. D'autant que le syndrome Allende, comme on l'a appelé, n'a existé qu'au début du septennat. Alors, et qu'est devenu Erulin ? Blessé dans un accident de deltaplane, il est revenu en France sur un brancard fin 1995. Il a d'abord été incarcéré. Puis avant d'être jugé, il a bénéficié d'une libération provisoire le jour même de la mort de Mitterrand. Un symbole, ça. Si vous voulez. Puis il est jugé, condamné à une peine avec sursis avant d'être finalement acquitté dans les deux affaires de droit commun pour lesquelles il était poursuivi. Innocenté, donc. Oui. Il reste qu'on ne sait toujours pas pourquoi il a été si longtemps l'objet de cette traque. Alors, Erulin, bouc émissaire ? Pourquoi pas ? Mais il avait le profil, non ? Gilles Ménage, en tant que directeur de cabinet, était chargé à l'Élysée de superviser les questions de sécurité. Il était donc en relation continue avec la cellule du colonel Proutot. Dans son livre « L'œil du pouvoir », il raconte « L'extrême droite était l'une des préoccupations de Proutot. Non qu'elle fût à l'époque une force politique organisée comme elle l'est maintenant, mais parce qu'il était convenu et démontré par l'histoire récente que quelques nostalgiques ou certains soldats perdus pouvaient constituer une menace pour la sécurité physique du président. Puis Ménage poursuit. Avec Proutot, il est convoqué par le président au printemps 1983. Proutot souligna qu'il considérait Erulin comme l'un des membres de l'extrême droite capable de mener des actions contre la personne du chef de l'État. Il expliqua pourquoi il avait dû recommencer de A à Z une enquête entamée depuis 4 mois dans des conditions particulièrement discrètes, car, naguère, chaque fois que Dominique Erulin avait failli être intercepté pour des délits de droit commun, il en avait été obligeamment et opportunément prévenu, ce qui avait été le cas en 1982 en Italie et en Suisse. Le président prit la parole pour souligner les dangers que présentaient les groupes divers qui, à l'extrême droite, étaient en train de se reconstituer. Il parlait moins à l'évidence de ce qui pouvait être une menace pour sa personne que d'un élément de jeu politique. À cette époque où manifestations et troubles à l'ordre public commençaient à prendre de l'ampleur, à l'instigation des formations de la droite classique, l'extrême droite s'appliquait à favoriser l'expression de ses mécontentements, auxquels elle apportait en sous-main une aide logistique importante et concertée. Il était donc primordial de connaître et d'observer ces groupuscules qui étaient déjà à l'œuvre. Mais, pour ce qui était de Dominique Erulin, François Mitterrand n'était visiblement pas convaincu qu'il fallait l'arrêter. Il préférait au contraire qu'on tentât de l'utiliser pour remonter les filières et qu'on se contentât dans un premier temps de le surveiller. Tour à tour, nous fîmes valoir la difficulté d'une telle entreprise. Visiblement, François Mitterrand hésitait encore. Le dialogue se prolongea de longues minutes sur les mêmes thèmes avant que le président donnât son accord à une procédure d'arrestation que personne n'était plus en mesure d'interrompre.